Rock'n'roll, ça c'est clair, ça fait du bien quand même à côté de ce bon rock'n'roll indémodable. À l'instant, c'était Phil Campbell, oui, l'ancien guitariste de Motorhead and the Bastard Sons, son projet solo avec donc ses trois gamins. Extrait donc du premier EP éponyme Phil Campbell Bastard Sons, c'était Big Mouth. Et Phil Campbell and the Bastard Sons, ben, ils seront en concert à Châteauroux, dans au parc des expositions, hall des expositions, dans le cadre de la convention Firemaster, qui aura lieu donc le week-end, pas là, mais le week-end prochain, le 29 avril, 30 et ainsi que 1er mai. C'est une convention où il y a également plein de choses, donc des concerts, et bien évidemment. Il y aura aussi donc des conférences, des projections de films, plein de choses. Tout ce que vous voulez savoir sur le métal, sur le, comment, par exemple, la basse métal, je crois qu'il y a un petit masterclass là-dessus, sur l'évolution du jeu de batterie dans le hard rock, enfin, plein de choses très intéressantes, donc tout ce week-end-là. Vous demandez pourquoi je vous en parle maintenant, alors que ça n'a lieu que à la fin de la semaine prochaine. Eh bien, je vous le dis tout de suite, il n'y aura pas d'Electric Shock la semaine prochaine. Voilà, tout simplement. Donc, je prends un petit peu les devants. Juste avant Phil Campbell, eh ben, c'était Slash, avec son album 4, qui est tout simplement son quatrième, The Path Less Followed. Maintenant, on va revenir sur ce qui était une des nouveautés la semaine dernière, le projet de Chuck Bowell, multi-instrumentiste, qui nous a fait un petit album où il a absolument tout fait, chant, guitare, basse, batterie, la totale. Mélange de thrash, de heavy, de death, ça s'appelle donc Hollow, l'album c'est The Infinite Cycle, et ben, ce soir, on s'est pas foulé, hein. Infinite Cycle, ce sera le morceau de la soirée. l'instant avec Infinite Cycle, ce qui donne d'ailleurs son titre à l'album. On va continuer maintenant avec un duo américain qui nous a sorti son premier EP en quasiment même temps que Holo. Par contre, eux, à les écouter, on croirait vraiment que c'est une maquette qui a été complètement égarée à la fin des années 60, au début des 70, tellement ça sent le psychédélisme et le rock, le début de Led Zeppelin, de Janis Joplin, enfin, bref, du très très un voyage dans le temps tout en étant actuel. Donc on va revenir au EP de Firebug qui s'intitule No Return, et là aussi, j'ai décidé de faire simple, pourquoi faire compliqué, puisque le morceau que je vous donne ce soir, vous avez deviné, ce sera bien sûr No Return. Psychédélisme et patchouli vraiment à fond avec les Anglais de Purson et le morceau Tempest and the Tide. Eh bien, malgré ce son, c'est un album qui était enregistré de Cycle and the Blue Door. Ça nous date de quand même de 2013 et non pas de 1972 comme on pourrait croire à l'écoute. Voilà. Juste avant, eux aussi, il est là, c'est bien du 2022, No Return, le EP de Firebug qu'on a eu juste avant. Et il est déjà 19h45 sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Et oui, ça fait déjà 45 minutes qu'Electric Choc sévit sur les ondes. Je vous rappelle que c'est donc tous les mardis soirs entre 19h et 21h. On va se faire la deuxième nouveauté de la soirée. Pour ça, je vais vous emmener en Suisse découvrir un groupe de metalcore qui existe depuis 2018 et qui vient de nous sortir son premier EP là au mois de mars. Ce groupe s'appelle Divergency et le EP s'appelle Aurora. Alors, tous ceux qui apprécient le metalcore, je pense que ça va pas leur déplaire. Sinon, pour le reste, ce qu'il faut remarquer, c'est que le groupe est très pro, que ça sonne déjà très bien. Voilà. Vous avez envie d'écouter, j'imagine? Eh ben, écoutons tout de suite Burn Like Hell. Empty shell, but it fucking burns like la mort et que de la gloire amère. Voici venu le jour d'aller vous faire pendre sur l'autel de l'espoir. Un jour, le vieux passera me voir après le concert. Il fera un brief sur la thune et la carrière. Mais putain, je m'en branle. Je veux juste que tu me dises que t'es fier d'être mon père. Si tu savais comme j'ai douté en écrivant ces textes, j'ai souffert chaque jour pour retrouver le truc. J'y ai mis tout ce que j'avais, dit tout ce que je savais. Dis-toi que si c'est vrai, ça voudrait dire que j'ai plus besoin de doute, plus besoin de prier en croix pour croire sans dette. Légitime, ça c'est un extrait de l'album L'Odyssée de l'Espoir des Nantais de Affect, sorti fin février. Et juste avant, tout nouveau, tout beau, tout chaud, sorti fin mars, le premier EP des Suisses de Divergency, Burn Like Hell, le EP c'est Aurora. Eh ben, on va calmer le jeu maintenant avec quelque chose de beaucoup plus soft, avec un album que j'adore. C'est le dernier album de Marillion. An Hour Before It's Dark, comme toujours magnifique. Un album conceptuel, plus ou moins comme toujours aussi. Et ce soir, je vous invite à découvrir le morceau Care. Un morceau en quatre parties. D'abord Maintenance Drugs. An Hour Before It's Dark, d'ailleurs, c'est ce qui a donné son titre à l'album. Every Cell, c'est Angels on Earth. On se retrouve tout à l'heure. Said I'll be your whether you like it or not, when it's gone, it's gonna take you with it, this one, whether you like it or not, when it's gone, it's gonna take you with it. Yours is the life to burn into my as I unpeeled you, you realized you loved me enough to leave me forever. dire après ça? Mais si ce n'est que c'était vraiment magnifique comme toujours avec Marillion. Donc un petit extrait de leur album An Hour Before It's Dark, sorti au mois de mars. C'était le morceau Care avec ses quatre parties distinctes: Madness Drugs, An Hour Before It's Dark, Every Cells et Angels on Earth. Passons à maintenant quelque chose de beaucoup plus rock et d'actualité. Et pour ça on va faire un bon retour dans le temps puisqu'on va se retrouver en 1981. Au moment où Trust sortait son troisième album, c'était Marche ou Crève. Et dedans, il y a un texte qui est toujours d'actualité parce que dimanche, dimanche, on va voter ou pas. Ça, c'est selon. Enfin, toujours est-il que, la grande illusion, c'est toujours d'actualité, malheureusement. Et d'ailleurs, Trust fera partie des groupes qui seront à l'affiche de la convention Firemaster à Châteauroux, donc le dernier week-end du mois d'avril, en compagnie de Phil Campbell, de Bastard Sons, de Betraying, de Martyrs, de Titan, de Exploited, de Venom Incorporated, de Impurezza, nos locaux d'Impurezza y seront aussi, et de plein de choses. Et donc, lors du retour d'Electric Shock le 3 mai, normalement, je devrais pouvoir vous en parler un petit peu. En attendant, eh bien, réécoutons ces paroles qui, hélas, sont toujours d'actualité. Comme elle est belle Omega, c'est leur troisième album, Deuxième Regard. C'était le morceau Les Ados. Juste avant, un grand retour dans le temps avec le troisième album de Trust, Marche ou Crève, sorti en 1981 avec le morceau, le classique, La Grande Illusion. Un texte qui n'a pas pris une ride 40 ans après son écriture, hélas. Et bah tiens, si on allait revenir au concept album de Defiance, Warrenta, qui nous raconte donc l'histoire du bassin minier français de Warrenta dans les années 40, donc un mélange en fait entre Émile Zola et Edgar Poe. Donc mélange de trash, de heavy, de death, comme vous allez pouvoir constater avec The Feather, extrait donc de cet album. We'll be right back. Voilà, on vous l'aura laissé jusqu'au dernier sustain, ce morceau de Defiance, The Feather, extrait de l'album Warrenta, qui est leur quatrième album. On va se faire maintenant la dernière nouveauté de la soirée avec un groupe qui nous vient de la région parisienne, qui s'appelle Nothing But Real. Et là, ils viennent de nous sortir leur deuxième album, là, fin mars, qui s'appelle Lost in the World. Alors, Nothing But Real, c'est quoi? Bah, c'est un groupe de rock alternatif, fusion, qui peut faire penser à Skunk Anansie, ce genre de choses. Donc, quelque chose assez musclé, comme par exemple ce morceau Strike, qu'on va se mettre tout de suite. Spread the world, own the world, make it even better. That light burns inside. 20h34 sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Et oui, vous écoutez bien Electric Shock, l'émission Hard Rock Metal, comme tous les mardis soirs entre 19h et 21h. À l'instant, les Américains de Hydrogen, avec un extrait de leur album The Boiling Point, sorti en 2021. C'était Disappear, et là, tout nouveau, tout chaud, puisque c'était la troisième nouveauté de la soirée. Avec les Parisiens de Nothing But Real, et leur deuxième album Lost in the World, et c'était le morceau Strike, vous avez vu, tout à l'heure. On va se faire un petit peu de live maintenant, puis, et pour ça on va revenir au live de Helmet, le groupe de hardcore alternatif américain, qui nous a sorti un petit live en fin d'année dernière, et qui s'appelle Live and Rare, et qui recoupe donc deux concerts, un enregistré en 1990 au CBGB, et un autre enregistré à Melbourne lors du Beat Day Out, un grand festival en janvier 93. Et bien on va faire un petit tour en Australie, où Helmet interprétait lors de ce festival Turned Out. To the ground, pass the buck. Time Eternal, donc deux, ces deux petits brûlots sont extraits de l'album Live and Rare de Helmet, leur seul live officiel sorti en fin d'année 2021. On va se faire du pur métal maintenant avec les Rémois de Deadwood et leur premier album Unwanted, influencé par Pantera, Lamb of God, Machine Head, bref, que du bon, comme ce Come With Me Now. Yeah. Ça. The Exploited, Affected by Them, ça c'est un extrait de l'album Beat the Bastard sorti en 1996. Et The Exploited qui sera un des nombreux groupes à l'affiche de la troisième convention Firemaster à Châteauroux qui aura lieu donc fin avril, début mai, en compagnie donc de Trust, de Phil Campbell, Bastardson, Betraying the Martyrs, Impureza, pour ce qui nous concerne, Venom Incorporated, je crois que je l'ai dit, je ne sais plus, Wisdom et plein d'autres choses, ainsi que plein d'autres attractions. Juste avant The Exploited, c'était donc les Rémois de Deadwood et leur premier album Unwanted, c'était le morceau Come With Me Now. Maintenant, allons faire un petit tour du côté de Marseille et allons retrouver les punk rockers de Rats Don't Sink et leur EP qui était sorti l'année dernière, Stubborn Robins, avec le morceau Go. 1940. Premier message du maréchal Pétain aux Français. Français, à l'appel de Monsieur le Président de la République, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France. Sûr de l'affection de notre admirable armée qui lutte avec un héroïsme digne de ses longues traditions militaires contre un ennemi supérieur en nombre et en armes. Sûr que par sa magnifique résistance, elle a rempli nos devoirs vis-à-vis de nos alliés. Je fais à la France le don de ma personne. Souvenir à l'instant, donc la légende du punk rock orléanais, je crois que c'était d'ailleurs le premier groupe punk d'Orléans, Reich Orgasm, avec leur premier et seul album sorti en 1984, ça c'était juin 40. J'adore cet humour. Juste avant Reich Orgasm, pareil, nous viennent de Marseille, et ça c'est beaucoup plus récent, puisque c'est sorti l'année dernière, le EP Stubborn's Robins, et c'était le morceau Go. Bon, on a le temps de se faire un petit morceau là avant de se dire au revoir. Eh ben, on va faire un petit tour en Alsace avec des Alsaciens qui, par contre, auraient bien aimé être en plein désert du Nevada aux États-Unis. Le duo Knucklehead, que vous connaissez, ce que je vous en ai passé déjà ces deux dernières semaines. On va se faire un petit extrait de Holsters and Rituals. Ce sera Brand New Life et c'est avec ce morceau qu'on va se dire au revoir. Brand New Life de Knucklehead. Voilà, donc c'était le dernier morceau d'Electric Shock ce soir. Merci d'avoir été encore une fois à l'écoute de ce magazine métal. Alors je vous dis non pas la semaine prochaine, mais dans 15 jours. Donc on se retrouve le 3 mai, si tout va bien, bien sûr. D'ici là, portez-vous bien, faites gaffe à vous, écoutez plein de métal et Radio Arc-en-Ciel, bien évidemment. À dans 15 jours. Allez, salut à tous. Máscaras e poderá, dentro de uma a duas semanas, poder proceder ao alívio desta restrição, nomeadamente também nas escolas. Atualmente Portugal está com 577 casos de infecção por 100 mil habitantes nos últimos 7 dias e o índice de transmissibilidade do vírus é inferior a 1. O secretário de Estado adjunto da Saúde falava aos jornalistas esta tarde em Lisboa no final de uma cerimónia que assinalou a aquisição de 45 novas ambulâncias para o INEM. Os Estados Unidos e o Reino Unido estão disponíveis para mandar mais equipamento militar para a Ucrânia. Querem também reforçar as sanções económicas contra a Rússia. Decisões tomadas depois de uma conferência telefónica entre vários líderes mundiais e estas decisões foram anunciadas há pouco pela Casa Branca. João Alexandre. A garantia da administração norte-americana, os Estados Unidos vão continuar a fornecer assistência militar a Kiev. Informação divulgada depois de o presidente norte-americano Joe Biden ter estado reunido ainda que à distância no encontro que juntou mais de uma dezena de líderes mundiais, como o primeiro-ministro britânico, o chanceler alemão, o presidente francês ou ainda a presidente da Comissão Europeia. O encontro serviu para discutir o esforço de guerra na Ucrânia, mas também a ajuda económica e humanitária a Kiev, bem como novas sanções sobre Moscovo, e foi isso que explicou a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki. O presidente teve uma chamada com os aliados ocidentais esta manhã a discutir os atuais esforços para ajudar a Ucrânia face à agressão russa. Os líderes reiteraram o compromisso de reforçar a segurança na Ucrânia e continuar a ajuda económica e humanitária. Reafirmaram a solidariedade com o povo ucraniano e condenaram o sofrimento causado pela invasão russa, que é injustificada e não provocada. Eles também discutiram questões diplomáticas e um esforço coordenado para continuar a atingir a Rússia economicamente para que se responsabilizem. Concordaram continuar a trabalhar com e através do G7, da União Europeia e da NATO. É o esforço conjunto para travar o exército russo numa nova fase do conflito, mais concentrado no leste da Ucrânia, numa altura em que, diz a Casa Branca, os aliados ocidentais procuram formas de responsabilizar a Rússia pela invasão. Além de Washington, também Londres garante disponibilidade para continuar a enviar apoio militar para o território ucraniano. Em comunicado, o gabinete do primeiro-ministro britânico Boris Johnson fala de uma necessidade crítica de enviar mais ajuda militar e de aumentar a pressão sobre a Rússia com mais sanções e um maior isolamento diplomático. Quanto à Alemanha, sublinha que vai continuar a ajudar a Ucrânia com apoio militar e financeiro, mas o chanceler alemão Olaf Scholz adianta que mais do que envio de armamento haverá sobretudo ajuda no financiamento para a compra de armas. Quanto ao governo italiano, que também marcou a presença no encontro desta tarde, já sublinhou a necessidade de pressionar ainda mais Moscovo e de aumentar o isolamento internacional da Federação Russa, com Mário Draghi a referir que há um amplo consenso entre os vários líderes mundiais. E da frente diplomática para o terreno, 55 dias após o início dos confrontos, os combates entre as forças russas e ucranianas fixam-se sobretudo no leste do país. Kiev e Moscovo garantem que está em andamento a nova fase desta guerra, com a batalha pela região do Donbass. Ouvido esta tarde pela Antena 1, Major-General João Vieira Borges, professor do Instituto Universitário Militar, diz não ter dúvidas de que estamos perante uma nova etapa neste conflito. Efetivamente, trata-se do início da segunda fase, que tinha sido anunciada em 25 de março. O ministro dos Estrangeiros, Lavrov, inclusivamente há pouco, referiu que esta nova etapa, não disse nova fase, é conquistar totalmente o Donbass. E o que materializa isso são efetivamente os 1.260 alvos, dos quais estão 13 fortificações. E, portanto, tem a ver com uma primeira etapa desta segunda fase. Não quero dizer que o ataque vá ser um ataque frontal àquela zona do Donbass. Certamente que haverá envolvimento, certamente que haverá outros eixos, designadamente a partir de Kharkiv e depois a Zaporizhia, e a partir de Dnipro e Poltava, eventualmente. Portanto, de maneira a cercar toda aquela zona, portanto, antes vai ser todo este desgastar, quer das forças, quer do moral ucraniano, e só depois é que é a concretização da manobra, de maneira a ficar com o domínio do Donbass, ligação a Mariupol, ligação à Crimeia e controle do Mar de Azov. O objetivo de Moscovo a leste é a libertação da região de Donbás numa nova fase deste conflito. No sul do país continua também o combate em torno do controlo da cidade de Mariupol. O conselheiro do presidente Zelensky acusou agora a Rússia de estar a utilizar bombas antibunker na cidade para obrigar à saída dos civis. Estas bombas foram utilizadas no complexo industrial da Azovstal, onde se calcula que estejam refugiadas cerca de 1000 pessoas, segundo as autoridades ucranianas. O secretário-geral das Nações Unidas pediu esta tarde uma pausa humanitária de 4 dias na guerra para permitir precisamente a abertura de corredores humanitários. Foi numa conferência de imprensa acompanhada pelo correspondente da Antena 1 nos Estados Unidos, João Ricardo Vasconcelos. Há vários dias que a Ucrânia não consegue organizar corredores humanitários. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, continua a pedir um cessar-fogo generalizado, mais urgente agora que se aproxima a Páscoa Ortodoxa. Estou a pedir uma pausa de 4 dias durante esta semana, com início na próxima quinta-feira santa e até domingo de Páscoa, dia 24 de abril, para permitir a abertura de vários corredores humanitários. A pausa vai permitir a entrega em segurança de ajuda humanitária para salvar vidas das pessoas que estão nas zonas mais atingidas, como Mariupol, Kherson, Donetsk e Luhansk. A ONU estima que 15 milhões de pessoas, 40% dos ucranianos que ainda permanecem no país, precisem de todo o tipo de ajuda humanitária, desde água e comida até cuidados de saúde e medicamentos. A ofensiva russa no leste da Ucrânia, a concentração intensa de forças e o poder de fogo fazem com que esta batalha seja inevitavelmente mais violenta, sangrenta e destrutiva. O Conselho de Segurança da ONU reúne-se pela sexta vez desde que começou a guerra. As Nações Unidas avaliam uma proposta que pretende que o recurso ao poder de veto seja sempre justificado. Dos 15 países com assento permanente no Conselho de Segurança, 5 têm o poder de veto, entre eles a Rússia. Esta medida pretende isolar ainda mais o Kremlin, já depois da Rússia ter sido suspensa do Conselho de Direitos Humanos da ONU no dia 7 de abril. Esta tarde, o presidente do Conselho Europeu anunciou, através da rede social Twitter, que a União Europeia está já a desenvolver um fundo de solidariedade para apoio à reconstrução da Ucrânia. O Governo já entregou à Comissão Europeia a proposta de orçamento para este ano. A informação consta da página oficial do Executivo Comunitário. A proposta foi entregue no Parlamento português a semana passada. No documento de 39 páginas, em inglês, o Governo ressalva que este documento é apresentado num contexto de recuperação da economia portuguesa, mas também de incertezas e novos desafios resultantes da invasão da Ucrânia pela Rússia. Esta tarde, o Fundo Monetário Internacional reviu em baixa as previsões de crescimento para a economia mundial, precisamente por causa da guerra na Ucrânia. A zona euro não deve ir além de 2,8% e a situação mais difícil deve ser a da Alemanha, explica Helena Garrido, a comentadora de política de economia na Antena 1. A evolução da economia alemã é, aliás, aquela que pode determinar até um cenário pior no quadro da zona euro. Se nós olharmos para aquilo que se está a passar, os 4% de crescimento previstos para Portugal podem até nem ser pessimistas, no sentido em que, se entrarmos num quadro de sanções ainda mais graves à Rússia, em que a Alemanha se vê forçada a cortar os fornecimentos, as suas importações de energia russa, os próprios industriais alemães têm já afirmado que isso provocaria uma recessão na Alemanha. Para Portugal, o FMI prevê um crescimento do produto interno bruto nos 4% este ano e 2,1% no próximo. Meia vitória para o antigo ministro da Economia, Manuel Pinho, no caso EDP. As medidas de coação aplicadas ao antigo governante devem ser revistas. O Tribunal de Relação de Lisboa deu parcialmente razão ao recurso de Manuel e Alexandra Pinho, que obriga o juiz Carlos Alexandre a refazer o despacho. Em causa está a parte em que o juiz substituiu a prisão domiciliar área por uma caução. O ministro dos Negócios Estrangeiros está com o Covid-19, foi o próprio quem o anunciou na sua conta no Twitter. João Gomes Cravinho revela que tem sintomas ligeiros da doença e anuncia que vai ficar a próxima semana em teletrabalho. edição Antena 1 com Augusta Henriques, um simultâneo com a RDP Internacional da RDP África, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. Toda a informação em permanência em noticias.rtp.pt. RDP Internacional. Portugal aqui tão perto. Seja muito bem-vindo ao serão da RDP Internacional. Boa terça-feira. Estamos juntos para 4 horas de emissão. Vamos começar este serão de uma forma bem original. Vamos contar então com a presença de João Gil, já que está a celebrar 46 anos de carreira de uma forma única, com a apresentação de um novo trabalho. 46JG22, é assim que vamos celebrar 46 anos de carreira de muito boas músicas conhecidas dos portugueses de João Gil. Agora temos o trabalho que estreia no final desta semana, dia 22, está aí disponível nas plataformas digitais e também formato físico, e vamos ter concerto para celebrar os 46 anos de carreira deste grande artista português. João Gil chega com um pouco mais de atenção. Exclusivo.